mes amis, mon Christophe. Quelle fiesta hier soir à minuit. Avec des potes, on a fêté l'anniversaire de la naissance de Beethoven. Ça fait 234 ans qu'il est né, le Lascar. Ludwig? Ludwig. En fin de soirée, je me suis même retrouvé tout seul avec l'héritière du grand sourd, la belle Ludwiga. Oh, Ludwiga, quelle belle soirée. Ah, mais je vous en prie, Helmut. Un petit chocolat, peut-être? Pourquoi pas? Je vais appeler mon majordome. Roger! Roger! Ah, vous voilà. Donnez donc un Ferrero à mon ami Herr Perchu. Merci. Oh, délicieux. Vous m'avez gâté avec ce Ferrero, Roger. Merci, Roger. Vous pouvez vous retirer. Helmut? Ludwiga? Tiens, venez-vous tout de suite par terre sur le marbre glacé en souvenir de Ludwig! Oh, Ludwiga! Oh, je vais te ravager, la grosse Bertha! Vas-y, vieux Kaiser d'amour, fais-moi sauter la partition! Sors ta baguette de maestro et envoie les cuivres! Tum, tum, tum, tum! Oh oui! Accroche-toi au pupitre, le soprano! J'ai fini de graisser la coulisse! Je sors le trombone! Après, mon Christophe, on s'est calmé. On a continué nos saloperies, mais sur un tempo moins germain, mais toujours Nick. Oh, Ludwiga, tu sais, tu me rends dingue. Helmut, je n'ai jamais pris autant de plaisir dans ma vie. Oh, ça ne m'étonne pas. Oh, sauf peut-être la fois où j'ai couché avec Nina Hagen. Ah, je vois le genre. T'es aussi de la pelouse, Eva Braun. Yavol. Oh, décidément, tu veux me rendre fou. Reprends-moi comme une chienne des plaines de la Roure. Je vais t'éplucher la partition jusqu'au petit jour, Ludwiga. Viva Beethoven! Et voilà, mon Christophe. Écoute, c'est envoyé, hein. C'est comme ça que j'ai fêté les 234 ans de la naissance de Ludwig von Beethoven. Oh, je suis crevé. Bon week-end. Au Wiedersehen.